Chapitre 7. La ville et communauté de Concarneau. Premièrement, administration. Nous ne pouvons indiquer même approximativement la date de l'établissement de la communauté, c'est-à-dire de la commune, de la municipalité. La première communauté bretonne est celle de Guingamp, ville principale du Penthièvre. Elle semble un don de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre. Elle apparaît au milieu du XIVe siècle et elle est complètement organisée en 1380. Les princes de la maison de Montfort suivirent l'exemple donné par leur adversaire malheureux et les communautés bretonnes vont s'établir de proche en proche, non comme en France, après des luttes sanglantes, mais par don du souverain exerçant en Bretagne une sorte de monarchie représentative. C'est surtout pendant le règne long et pacifique de Jean V que s'accomplit cet heureux événement. Vers 1410, les communautés de Rennes et de Nantes sont organisées, et au milieu du siècle, presque toutes les villes jouissent d'institutions souvent moins complètes, mais analogues. Originairement, leur organisation ne ressemble guère à celle de nos communes actuelles. Le général des paroisses bretonnes, c'est-à-dire la généralité des paroissiens appelés à l'église pour les offices, avait l'usage, l'office terminé, de délibérer sur les intérêts temporels de la paroisse. Les premières communautés prirent l'usage de cette délibération générale. L'assemblée des bourgeois ne fut pas d'abord un conseil élu, mais la généralité des notables réunis pour délibérer et nommer quelques mandataires. L'un d'eux est le miseur, c'est le trésorier. Il perçoit les revenus et il met en mise, dépense, de là son nom. Un peu plus tard apparaît le procureur des bourgeois. C'est le chef de la communauté auquel succédera le syndic que remplacera le maire. Plus tard, le conseil de la communauté fut soumis à l'élection et avec le temps, l'organisation de la communauté se rapprocha de plus en plus de nos municipalités actuelles. Mais nombre de communautés, entre autres celle de Concarneau et d'autres plus importantes, par exemple celle de Quimper, firent une faute dont nous portons la peine. Elles ne se donnèrent pas un greffe. J'emploie l'expression ancienne qui garda fidèlement le dépôt des registres et des délibérations. Le syndic gardait le registre chez lui, mais il le faisait sien. Qu'il partît, il l'emportait. S'il mourait, ses enfants le trouvaient dans son héritage, et avec le temps il disparaissait. Ainsi s'explique que soit perdu pour les villes et pour nous tant de registres, même du XVIIIe siècle. On ne s'étonnera donc pas que les plus anciennes pièces concernant Concarneau, conservées aux archives de l'intendance de Bretagne, datent de 1698, nous ne pouvons qu'y emprunter quelques renseignements. La communauté présentait au gouverneur de Bretagne une liste de sujets pouvant être commis aux fonctions et charges municipales. Elle dressait, semble-t-il, cette liste sans peine. Mais une fois nommés, ces sujets se montraient peu assidus à l'assemblée. Toute absence non justifiée était punie d'une amende de 10 livres, environ 23 francs de nos jours. Pénalité qu'on peut trouver excessive, mais qui fut inefficace. L'intendant se voit contraint d'avertir que les conseillers qui auront encouru l'amende 2 fois seront exclus de l'assemblée. C'est justement ce que plusieurs souhaitent. Même laisser aller dans une partie de l'administration. Un jour, l'intendant annonce à Quimper le passage d'un contrôleur ambulant du domaine. Il vient vérifier les registres des délibérations municipales. Et pourquoi ? Pour rechercher et recouvrer les droits de contrôle dus depuis 20 années. En 1636, au dire de Dubuisson, la communauté était pauvre. Il en était de même au XVIIIe siècle, comme nous allons voir. Toutefois, le chiffre que nous donnerons représente le revenu ordinaire de la ville. Elle trouvera un revenu supplémentaire dans les octrois que le roi ne lui refusera pas, c'est-à-dire les droits d'entrée en ville par voie de terre et de mer. Ces octrois sont affectés au pavé de la ville et à la voirie, 2 objets que nous ne voyons pas mentionnés dans les comptes qui restent. Ils sont datés de 1702-1703 et de 1704-1705, car la communauté règle ses comptes seulement tous les 2 ans. Dans le premier compte, 1702-3, La recette est de 3782 livres, plus quelques deniers, 10 400 francs de nos jours, soit pour chaque année 1891 livres, ou 5200 francs. La dépense est de 4039 livres, 11 107 francs. Déficit, 257 livres, ou 706 francs. Je relève quelques articles. Indemnité aux députés aux États, 200 livres. Aux prédicateurs du carême, 200 livres. Pour la finance et 2 sols pour livres des offices de contrôleurs de la communauté et des capitaines et lieutenants des bourgeois, 1547 livres. Voilà 3 de ces nombreux offices créés pour les besoins du trésor et dont la communauté se serait très volontiers privée et sans aucun préjudice pour elle. Or, contrainte de les acheter, elle les paie plus des 4/5 de son maigre budget annuel de 1891 livres. Et cette dépense faite, il lui reste 346 livres pour les dépenses indispensables. En 1704-1705, la recette est encore moindre qu'au compte précédent, 3400 livres, 9950 francs, mais la ville n'a pas d'office à acquérir. Elle ne dépense que 3117 livres, 8461,75. Elle a donc un boni de 899 livres. Une dépense assez lourde, mise à la charge de la communauté, c'est l'indemnité de logement allouée au gouverneur, qu'il réside ou non. C'est une somme de 300 livres, 1150 francs, au milieu du XVIIe siècle, 620 au milieu du XVIIIe. Il faut dire que plusieurs gouverneurs, même résidents, ne la réclament pas, mais d'autres, même non-résidents, ne se feront pas scrupule de l'encaisser. Une autre indemnité de logement est due par la ville. Elle porte à son budget de chaque année une somme de 50 livres au profit du canonnier. Ce brave homme mérite cette indemnité, il est fidèle à son poste, et la ville recourt souvent à son habileté. Une dépense éventuelle, mais qui revint assez souvent, les réjouissances publiques. Bonne patriote, la ville ne s'en plaint pas, quoiqu'elle grève son budget. À la naissance d'un enfant de France, à l'annonce d'une victoire, pour une paix glorieuse, ou tout autre événement heureux, le gouverneur de Bretagne demande une démonstration joyeuse. La communauté fait allumer un feu de joie, tirer le canon, chanter le Te Deum. La dépense est régulièrement de 30 livres de l'époque. Le passage de grands personnages est aussi l'occasion de quelques dépenses. Il faut quelquefois préparer un logement, du moins faut-il toujours offrir le vin de ville et l'hypocrase. Mais les personnages, si bien accueillis et longuement harangués, cela va sans dire, laisseront au départ une bourse pour les indigents et pour l'hospice qui est pauvre. Le feu de joie, le tir du canon, le chant du Te Deum sont des réjouissances officielles. Le soir venu, les maisons des habitants s'illuminent. On peut se figurer ces illuminations, des boules d'argile dans lesquelles sont piquées des chandelles de suif ou même de résine en font les frais. Telles étaient encore les illuminations dans les petites villes en 1835 sous le roi Louis-Philippe. Telles avaient été les illuminations que, 50 ans auparavant, en 1785, son aïeul maternel, le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, prescrivait à Concarneau. Comment, avec un budget si réduit, la communauté pouvait-elle, selon l'expression vulgaire, joindre les deux bouts? Elle le faisait pourtant, et même elle réalisait quelques économies. Un jour, on la voit acquérir un champ dit « Parc Argroas » pour en faire un champ de foire. 1699. Or, à cette époque, les villes, comme le bon père de famille, craignaient de recourir à l'emprunt pour satisfaire aux besoins courants. Surtout, s'abstenaient-elles, ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, d'emprunter pour des dépenses voluptuaires. Mais Concarneau s'honora, lors d'une épidémie, en contractant pour venir efficacement au secours des malheureux, un emprunt de 2400 livres, 5280 francs de notre monnaie, plus que sa recette ordinaire annuelle. 1772. Il y aurait intérêt à dresser une liste des fonctionnaires existant à Concarneau au moins au XVIIIe siècle. Je ne parle pas des magistrats et officiers ou, comme on disait, gens de justice et hommes de loi mentionnés plus haut, mais des fonctionnaires administratifs ou financiers. Dans les pièces que j'ai pu voir, je ne trouve mentionné que le subdélégué de l'intendance, dont nous dirons quelques mots, le receveur de Monseigneur l'Amiral, le receveur des consignations et droits des ports et havres, le receveur des octrois maritimes, le receveur ou directeur des postes aux lettres. Nous ne voyons pas mentionner le capitaine de la milice des gardes-côtes. C'est que, quoi que l'on ait dit, Concarneau n'était pas chef-lieu d'une capitainerie. Pour dresser une liste des fonctionnaires, il faudrait un document qui nous fait défaut, un rôle de la capitation. Or, nous avons trouvé dans une note seulement le chiffre total de cette imposition, 2 272 livres 13 sous, 5 000 francs environ. La capitation était un impôt de répartition personnelle et proportionnelle, c'est-à-dire réparti entre toutes personnes, sauf les indigents, proportionnellement aux revenus de chacun. Le rôle des imposés indique leur profession. Le rôle de Concarneau aurait eu un intérêt particulier. Voici pourquoi. En certaines villes, à Quimper, par exemple, la moindre imposition est de 1 livre. À Concarneau, il y a des impositions moindres, puisque la somme totale donnée plus haut comprend des sous. Le rôle ferait donc connaître les noms de presque tous les habitants, moins les mendiants. Il nous dirait les noms des fonctionnaires et peut-être leurs émoluments. Un mot maintenant du subdélégué de l'intendance. On entend souvent dire « l'intendant de Bretagne était un préfet », ajoutons, ayant pour département les 5 départements taillés depuis dans l'ancienne province de Bretagne. La vérité est que, avec ce vaste département, l'intendant avait des attributions plus étendues que les préfets d'aujourd'hui. On a écrit aussi « les subdélégués étaient des espèces de sous-préfets ». La vérité est que, suppléant l'intendant, ils avaient des attributions plus étendues que celles des sous-préfets, mais leurs compétences territoriales étaient bien moindres. La subdélégation de Concarneau comprenait tout son ressort judiciaire, moins la paroisse de Gouesnard. Dans les 5 départements bretons, il y a aujourd'hui 25 arrondissements. Il y avait 64 subdélégations, dont 2 à Rennes et 3 à Nantes, comme 2,5 par arrondissement actuel. On voit combien en général une subdélégation était exiguë. C'est pourquoi le subdélégué, dans une petite ville, était un personnage modeste, peu occupé et peu rétribué. À une époque où les fonctions de chacun n'étaient pas nettement délimitées comme de nos jours, nous ne voyons pas à Concarneau la communauté agitée par ses compétitions habituelles ailleurs. Un jour pourtant, elle vit la paix troublée. En 1764, un nouveau procureur du roi, se parant du titre de substitut du procureur général, fit faire par un sergent royal sommation au maire de l'admettre aux délibérations de la communauté pour qu'il voie s'il ne s'y passe rien de contraire aux lois. Cette sommation, que n'a précédé aucune demande courtoise, semble une déclaration de guerre. Le maire réunit l'assemblée et, sur son avis, écrit à l'intendant. Celui-ci condamne la sommation du procureur dans la forme et au fond et demande ce qui a pu déterminer cette incartade. Le maire répond « Je ne puis, ni personne non plus, rendre raison de ce qui a pu faire ainsi agir le sieur P. Je doute qu'il le sache lui-même. » L'intendant rappelle au procureur du roi un arrêt qu'il aurait dû connaître et qui condamne sa prétention. Il lui déclare, en termes très courtois, mais très nets, qu'il n'a pas à connaître ce qui se passe dans les assemblées de la communauté. 24 ans plus tard, autre difficulté est plus sérieuse. Au 14 juillet 1789, des têtes avaient été promenées au bout de pique dans les rues de Paris. La province prit peur et en plusieurs villes, il se forma des associations dites comités permanents dont l'objet était la sécurité des personnes et des biens. Au mois d'août, Concarneau avait son comité permanent. Les citoyens qui le composaient, sans aucun mandat légal, s'attribuèrent de singulières prérogatives. Ils vont disposer des finances municipales, ils ordonnent des dépenses non approuvées par la communauté. Le miseur ne sait plus auquel entendre. Le 17 août, il écrit à l'intendant une lettre désespérée et l'intendant de lui répondre « Rien ne sera fait sans mon ordonnance ». Le miseur aurait mieux aimé une lettre de l'intendant disant au comité « Il ne vous appartient pas de disposer d'un denier des finances municipales. » Mais il y a des temps où les dépositaires de l'autorité ont peur de la responsabilité. Quelques années plus tard, des citoyens qui accaparent le titre de patriotes et se qualifient même patriotes enragés vont à leur tour former des comités. Ils ne disposeront pas des finances municipales, mais de la liberté de leurs concitoyens. je veux parler des comités de surveillance dont la mémoire est restée en exécration sous le titre qu'ils se donnèrent de comités révolutionnaires. Par décret des 21 et 30 mars 1793, la Convention avait créé ces comités, mais seulement pour la surveillance des étrangers et dans les communes ou sections de communes ayant au moins 1000 électeurs, soit une population présumée de 8000 habitants. Les comités devaient être composés de 12 membres qui pouvaient être élus par 100 des électeurs inscrits, le dixième seulement des électeurs, singulière majorité. Les fonctions des comités étaient gratuites. Mais les villes de plus de 8000 habitants sont relativement rares. Il n'y en a que 9 ou 10 en Bretagne, 3 dans le Finistère, Brest, Morlaix, Quimper. Il y aura donc peu de comités, 3 dans le Finistère et un seul dans l'arrondissement actuel de Quimper. C'est la loi. Mais des comités vont s'établir dans nombre de lieux qui n'ont pas les 1000 électeurs. Il y en aura 6 dans l'arrondissement actuel de Quimper, 2 au chef-lieu de district Quimper et Pontcroix, et les autres à Pont-l'Abbé, Briec, Rospordin et Concarneau. Les représentants du peuple, qui viennent de temps en temps régénérer les communes, les ont créées ou approuvées, et dès le 4 juin 1793, la Convention les a maintenues provisoirement. Le provisoire devient définitif, et le comité de salut public correspond avec ces comités aussi bien qu'avec ceux établis au terme des décrets de mars. Mais bientôt tout sera changé. Les membres des comités ne sont plus élus par les électeurs, mais choisis par l'administration. Ils reçoivent une indemnité de 3 livres par jour. D'abord, au moins 6 francs de notre monnaie, des représentants vont l'élever à 5 livres, comme à Paris, 10 francs de nos jours. Il ne s'agit plus de la surveillance des étrangers. Les comités sont chargés de dresser des listes des émigrés, puis des suspects, et de lancer contre eux des mandats d'arrêt qui seront exécutés sur l'heure et sans recours possible, sans que la personne arrêtée sache les motifs de son arrestation. Ce n'est pas tout. Les comités seront chargés de reviser les certificats de civisme, d'assurer l'application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté publique, de rechercher les conspirateurs, de dresser la liste des nobles et de délivrer les ordres de passe. Un traitement quotidien assuré sans travail n'est pas à dédaigner. Exercer une autorité absolue, tracassière, avoir le moyen de satisfaire ses haines, ses vengeances, ses jalousies, même sa cupidité, quel stimulant, c'est à qui sera fonctionnaire des comités. Mais dans les comités établis régulièrement ou par la fantaisie des représentants du peuple, il n'y a pas place pour tous. Des citoyens se réunissent, se forment en comités qui se mettent, comme les autres, à provoquer, recevoir et transmettre les délations, à emprisonner leurs concitoyens. Représentants en mission et administration laissent faire. Et avec quel entrain ces comités vont se mettre à dresser des listes de personnes émigrées et de suspects, dont les biens seront séquestrés et pourront être, plusieurs y comptent bien, mis en vente et acquis à vil prix. Faut-il nommer un de ces présumés émigrés ? La Tour d'Auvergne. Il est inscrit sur les listes fatales dans les départements du Finistère et des Côtes-du-Nord. Certificats officiels de sa présence à l'armée des Pyrénées, protestations des représentants du peuple à l'armée, rapports du général Servan lus à la Convention, rien n'y fait. Le glorieux capitaine est encore présumé émigré quand il demande et obtient sa retraite en novembre 1794. Les comités n'oublient pas leurs intérêts. Moins de 2 mois après qu'ils ont été investis d'un mandat politique, quelques-uns ont frappé des citoyens de taxes arbitraires dont leur patriotisme a tiré profit. Après la chute de Robespierre, 10 Thermidor en 2, 28 juillet 1794, les comités furent réduits à 1 par chef-lieu de district et de commune de 8000 habitants. Le droit d'arrestation leur est laissé. Mais tout individu arrêté doit être interrogé dans les 24 heures et doit, dans les 3 jours, recevoir copie du mandat d'arrêt indiquant les motifs de l'arrestation. Au cours de la discussion, un représentant dit que plus de 500 000 membres des comités allaient être privés de leur emploi, que parmi ces fonctionnaires, il y avait des scélérats, mais que la masse ayant contribué au salut de la République, la protection de la nation était due aux comités. Concarneau n'étant pas chef-lieu de district, le comité cessa de siéger. 4 mois plus tard, la Convention prenait en considération une proposition de suppression de tous les comités. Enfin, un bienfaisant décret du 1er Ventôse en 3 19 février 1795, déclara les comités supprimés dans toutes les villes de moins de 50 000 hommes à partir du 21 mars prochain. Ils avaient duré 2 ans, et depuis septembre 1793, ils étaient des offices de délation et exerçaient une insupportable tyrannie. Aussitôt, des plaintes et des réclamations se produisirent de toutes parts. La Convention ne manqua pas de leur imposer silence. Le 21 Vendémiaire en 4, 13 octobre 1795, un décret défendit à tout juge de prononcer aucune condamnation contre les anciens membres des comités. L'impunité était ainsi assurée, même aux scélérats signalés à la Convention. Mais le décret du 1er Ventôse en 3 ordonnait le dépôt des registres aux municipalités. La prescription ne fut pas exécutée, les comités et les municipalités, souvent complices de leurs méfaits, avaient tout intérêt à la disparition de ces registres accusateurs et presque tous furent détruits. Un registre du comité de Quimper subsiste et nous avons pu faire l'histoire du comité révolutionnaire de Quimper. Nous ne pouvons faire la même étude sur le comité de Concarneau. Nous devons nous contenter de donner plus loin quelques indications puisées dans le registre du comité de Quimper. On verra qu'une fois au moins, à propos des religieuses septuagénaires qui avaient usé leur vie au service des pauvres de l'hôpital, le comité de Concarneau montra une rigueur dont s'indigna le comité de Quimper. Je nommais tout à l'heure les représentants du peuple en mission. Ils ne pouvaient tout faire par eux-mêmes et employaient des délégués chargés de leurs pouvoirs illimités. En juillet 1793, Concarneau vit arriver un délégué des représentants en mission à Brest. C'était Royou Germer, né à Pont-l'Abbé, âgé alors de 36 ans, frère des deux journalistes royalistes, ami de Marat, septembriseur, membre du comité d'exécution qui avait rempli les prisons de Paris en vue des massacres projetés. Au lendemain des tueries de septembre, Germer était arrivé à Quimper, porteur de la circulaire expédiée par Danton, invitant la France à suivre l'exemple de Paris, et il la distribuait avec l'ami du peuple de Marat. Il se dit patriote enragé, admirateur de Marat et de Danton. Il parle avec dédain de Roland et Brissot. La violence de son langage épouvante et l'administration l'incarcère au château du Taureau, en rade de Morlaix, 22 septembre 1792. Il y passera 4 mois, puis, le 4 mars 1793, il sera relégué sous une sorte de surveillance à Pont-l'Abbé. La victoire de la montagne fut la victoire de Germer sur l'administration du Finistère. Dès le 19 juillet 1793, cette administration était décrétée d'accusation et Germer, enfin libre, allait avoir la confiance des vainqueurs. Il resta dans le Finistère. On sait qu'après la déroute de Passy-sur-Eure, 13 juillet 1793, plusieurs Girondins cherchèrent asile en Bretagne avec le Goazeret de Kervé-les-Gand. Ils échappèrent aux recherches et quelques-uns purent s'embarquer à Concarneau pour Bordeaux. Mais l'administration les recherchait activement et avait mis à prix la tête de Kervé-les-Gand. Germer était à bout de ressources. Il n'aurait pas été fâché de mériter une des primes offertes à celui qui livrerait Kervé-les-Gand. Et parcourant les campagnes et les villes, il cherchait activement les traces des Girondins fugitifs. À Concarneau, il eut une bonne aubaine. Un patron de barque, nommé Scanvic, avait porté les Girondins à Bordeaux. Comme il rentrait à Concarneau, ses papiers de bord furent saisis. On y trouva une lettre de remerciement adressée par un Girondin à un habitant de Quimper. Germer revint en hâte dans cette ville, convoqua les citoyens dans la ci-devant chapelle du collège et, montant dans la chaire, donna lecture de ses lettres. Le 18 juillet, Scanvic fut arrêté, puis traduit au tribunal criminel de Brest. Le 6 août, 19 Thermidor, il comparut devant les juges avec 3 autres accusés. Un seul fut condamné et exécuté le jour même. Scanvic fut acquitté et rentra à Concarneau. Heureux fut-il que le tribunal révolutionnaire ne siégeât pas encore à Brest. Cambry a fait allusion à cette affaire. Il a écrit « Nos infortunés députés trouvèrent là des amis assez courageux pour leur offrir un bâtiment pour les porter au sein de leur patrie ingrate. » Le voyage de Cambry est de 1794, mais cette phrase est postérieure, écrite alors combien elle eût été téméraire. Elle eût fait de l'auteur un Girondin, un fédéraliste digne de mort.